Chapitre 7e. L'orage. La maison que la comtesse occupait était située à la pointe de Saint-Jean-de-Luz, non loin de ce chenal où la mer vient se briser, et sur les dalles duquel se promenaient, durant le jour, quelques Français venant de Saint-Sébastien, pour avoir par leurs yeux un avant-goût de la cour d'Espagne. On ne parlait alors que de la beauté du lieu destiné à l'entrevue des deux rois, et nommé l'île de la Conférence ou l'île des Faisans. L'habit d'Assoa l'entourait de sa ceinture. Un bâtiment à deux galeries égales, dont l'une avait issu vers la France, l'autre vers l'Espagne, avait été construit en cette petite île. Les deux galeries aboutissaient chacune de leur côté à un grand cabinet qui avait servi aux deux ministres. Beaucoup de curieux désertaient l'île de la Conférence pour s'en revenir au galop à Saint-Jean-de-Luz, afin de bien voir l'entrée. Les fenêtres de la maison que le duc de Medinaceli avait choisie pour la demeure de Concha, la belle veuve, donnaient sur la mer. Les bords de la plage étaient couverts de barques aux armes du roi d'Espagne. Elles sillonnaient en tous sens la mer de Saint-Jean-de-Luz. Et c'était vraiment un coup d'œil merveilleux que celui de ces légères phalanxes brodées, presque toutes d'étoffes éclatantes, tapissées de damas avec des filets d'or et d'argent, ayant des bancs et des sièges richement accommodés. Concha pouvait les voir sans être vue sous sa jalousie de natte, accoudée vers midi à un grand tapis de Turquie où elle venait poser ses beaux bras. Les grands de Castille n'avaient peut-être pas des habits si brodés que les Français, mais sur leurs étoffes simples et unies, ils avaient tous des pierreries sans nombre, qui les distinguaient du commun et les faisaient paraître de haute mine. C'est dans cet équipage que la comtesse avait rencontré Médina, et les assiduités du jeune duc l'avaient touchée. Le duc était loin d'être un roué. C'était un fils de famille infatué de son rang et très ennuyeux en fait d'amour, il est vrai. Mais Concha avait changé d'un seul coup de sa baguette sa vie paisible et contemplative. Elle avait saisi Médina par le côté le plus sûr des Espagnols, la jalousie. Elle en avait fait un prince charmant, comme dans les contes de fées, un prince agité de mille soupçons, ne vivant et ne respirant que pour elle. La comtesse ne prétendait pas à un Amadis, mais à un mari. Ce mari futur avait semé du reste autour d'elle la surveillance et l'espionnage. Une duègne sévère, beaucoup de pages, une maison isolée au bord de la mer, telles étaient les armes de Médina contre la comtesse. Aussi, cette beauté si fière et si charmante s'ennuyait. L'ennui d'une femme a toujours son bon côté. Il entr'ouvre une des portes de son cœur. Autant ce bretteur nommé Charny, ce chevalier au regard hautain l'effrayait, autant la physionomie douce et piquante de Gabriel allait à son âme. Les grandes dames penchent surtout pour les gens qu'elles peuvent élever jusqu'à elles. Il entre un certain orgueil dans leur sympathie. Leur bienveillance va chercher plutôt le modeste gentilhomme que le fanfaron. À la seule vue de Gabriel, la comtesse avait senti je ne sais quel instinct de compassion. Ce vase fragile lui avait paru renfermer une âme simple et timide. En lui donnant asile sous le même toit qu'elle, Concha n'avait pas même envisagé la médisance, elle croyait sauver un enfant du premier courroux du chevalier. Gabriel lui arrivait les mains pures, le front haut, le cœur sur les lèvres. Dans les courts instants de repos que prit Concha, elle le vit, noble et doux, jetant un regard voilé de tristesse sur cette mer qui le séparait de son pays. D'ailleurs, l'imprudent jeune homme ne lui avait-il pas déclaré qu'il n'avait pu la voir sans une secrète émotion, qu'il l'aimait, et prétendait l'enlever elle-même à l'amour du chevalier. Si coquette et si raffinée que soient les femmes qu'on adule, et auxquelles la louange est servie chaque matin comme un fruit mûr, elles espèrent toutes rencontrer une bouche qui ne ment pas. Les paroles qui sortaient de celles de l'ami du chevalier retentirent tout le jour à l'oreille de la comtesse comme une douce mélodie. Elle forma bientôt mille desseins admirables sur son protégé. Elle le marierait, et le présenterait au roi d'Espagne ou à Louise de Haro, son parent. Elle assurerait sa fortune et son avenir. Peu chagrine du départ de Médina, qu'elle n'aimait qu'à demi, la comtesse s'endormit bientôt en se faisant balancer par une de ses femmes dans son hamac. L'air pénétrant de la mer jetait à son front ses brises légères, et sa duègne agitait près d'elle un éventail de palmiers. Dans ce sommeil charmant, sur lequel flottaient mille rêves, la divine Concha poursuivait sans doute de si aimables fantômes qu'elle n'entendit pas la vague clapoter sourdement aux grèves de Saint-Jean-de-Luz. Le vent était changé et la lame déferlait sur l'estacade du chenal. Imitant l'exemple de sa maîtresse, sa duègne était endormie. Tout d'un coup, une immense flaque d'eau bondit jusqu'au balcon de la belle rêveuse, dont elle mouilla les babouches d'une grésille fine. Le soir était venu. La mer n'avait pas une étoile à son horizon et à son ciel. Effrayée de cette nuit noire et plus encore des coups de tonnerre qui se succédaient d'un point du rivage à l'autre, la comtesse s'éveilla et, dans un moment de crainte, poussa la porte de la galerie, au bout de laquelle brillait une faible lumière à travers les vitres de la chambre où Gabriel était installé. « Il repose, » pensa-t-elle. Mais en ce moment, un roulement de la foudre, plus impétueux et plus violent que tous les autres, ayant ébranlé les voûtes de la galerie, Concha, pâle, hors d'elle-même, poussa instinctivement la porte de Gabriel. Elle l'envisagea quelques secondes, dormant sur son lit. « Une femme, » s'écria-t-elle, « c'est une femme. » Et laissant tomber sur le parquet de la chambre le bougeoir qu'elle tenait en main, elle s'enfuit.